Honorine. Quel âge avez-vous donc déjà, Honorine? 67 ans depuis la Toussaint, Mame Lepic. Vous voilà vieille, ma pauvre vieille. Ça ne prouve rien quand on peut travailler. Jamais je n'ai été malade. Je crois les chevaux moins durs que moi. Voulez-vous que je vous dise une chose, Honorine? Vous mourrez tout d'un coup. Quelque soir, en revenant de la rivière, vous sentirez votre hotte plus écrasante, votre brouette plus lourde à pousser que les autres soirs. Vous tomberez à genoux entre les brancards, le nez sur votre linge mouillé, et vous serez perdue. On vous relèvera morte. Vous me faites rire, Madame Lepic. N'ayez pas crainte, la jambe et le bras vont encore. Vous vous courberez un peu, il est vrai. Mais quand le dos s'arrondit, on lave avec moins de fatigue dans les reins. Quel dommage que votre vue baisse. Ne dites pas non, Honorine. Depuis quelque temps, je le remarque. Oh, j'y vois clair comme à mon mariage. Bon, ouvrez le placard et donnez-moi une assiette, n'importe laquelle. Si vous essuyez comme il faut votre vaisselle, pourquoi cette buée? Il y a de l'humidité dans le placard. Y a-t-il aussi dans le placard des doigts qui se promènent sur les assiettes? Regardez cette trace. Où donc, s'il vous plaît, madame? Je ne vois rien. C'est ce que je vous reproche, Honorine. Entendez-moi, je ne dis pas que vous vous relâchez, j'aurais tort. Je ne connais point de femme au pays qui vous vaille par l'énergie. Seulement, vous vieillissez. Moi aussi, je vieillis. Nous vieillissons tous. Et il arrive que la bonne volonté ne suffise pas. Je parie que des fois, vous sentez une espèce de toile sur vos yeux. Et vous avez beau frotter, elle reste. Pourtant, je les écarquille bien et je ne vois pas trouble comme si j'avais la tête dans un seau d'eau. Si, si, Honorine, vous pouvez me croire. Hier encore, vous avez donné à Monsieur Lepic un versal. Je n'ai rien dit, par peur de vous chagriner en provoquant une histoire. Monsieur Lepic non plus n'a rien dit. Il ne dit jamais rien, mais rien ne lui échappe. On s'imagine qu'il est indifférent? Erreur! Il observe et tout se grave derrière son front. Il a simplement repoussé du doigt votre verre et il a eu le courage de déjeuner sans boire. Je souffrais pour vous et lui. Diable! Aussi que Monsieur Lepic se gêne avec sa domestique, il n'avait qu'à parler et je lui changeais son verre. Possible, Honorine. Mais de plus malignes que vous ne font pas parler Monsieur Lepic décidé à se taire. J'y ai renoncé moi-même. D'ailleurs, la question n'est pas là. Je me résume, votre vue faiblit chaque jour un peu. S'il n'y a que demi-mal, quand il s'agit d'un gros ouvrage, d'une lessive, les ouvrages de finesse ne sont plus votre affaire. Malgré le surcroît de dépenses, je chercherai volontiers quelqu'un pour vous aider. Je ne m'accorderai jamais avec une autre femme dans mes jambes, Madame Lepic. J'allais le dire. Alors quoi? Franchement, que me conseillez-vous? Ça marchera bien ainsi jusqu'à ma mort. Votre mort? Y songez-vous, Honorine? Capable de nous enterrer tous comme je le souhaite, supposez-vous que je compte sur votre mort? Vous n'avez peut-être pas l'intention de me renvoyer à cause d'un coup de torchon de travers. D'abord, je ne quitte votre maison que si vous me jetez à la porte. Et une fois dehors, il faudra donc crever. Qui parle de vous renvoyer, Honorine? Vous voilà toute rouge. Nous causons l'une avec l'autre, amicalement. Et puis vous vous fâchez. Vous dites des bêtises plus grosses que l'église. Dame, est-ce que je sais, moi? Et moi? Vous ne perdez la vue ni par votre faute, ni par la mienne. J'espère que le médecin vous guérira. Ça arrive. En attendant, laquelle de nous deux est la plus embarrassée? Vous ne soupçonnez même pas que vos yeux prennent la maladie. Le ménage en souffre. Je vous avertis par charité, pour prévenir des accidents et aussi parce que j'ai le droit, il me semble, de faire avec douceur une observation. Tant que vous voudrez. Faites à votre aise, Madame Lepic. À un moment, je me voyais dans la rue. Vous me rassurez. De mon côté, je surveillerai mes assiettes, je le garantis. Est-ce que je demande autre chose? Je vaux mieux que ma réputation, Honorine, et je ne me priverai de vos services que si vous m'y obligez absolument. Dans ce cas-là, Madame Lepic, ne soufflez mot. Maintenant, je me crois utile et je crierai à l'injustice si vous me chassiez. Mais le jour où je m'apercevrai que je deviens à charge et que je ne sais même plus faire chauffer une marmite d'eau sur le feu, je m'en irai tout de suite, toute seule, sans qu'on me pousse. Mais sans oublier, Honorine, que vous trouverez toujours un restant de soupe à la maison. Non, Madame Lepic, point de soupe, seulement du pain. Depuis que la mère Maïte ne mange que du pain, elle ne veut pas mourir. Et savez-vous qu'elle a au moins 100 ans? Et savez-vous encore une chose, Honorine? Les mendiants sont plus heureux que nous. C'est moi qui vous le dis. Puisque vous le dites, je dis comme vous, Madame Lepic.